cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نواصل القراءه في هذه الرساله النافعه كشف الشبهات للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله avec هذا الشرح المختصر الطيب للعلامه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. On continue donc la lecture de cette risale. وتقدم معنا أن دعوة جميع الأنبياء مبنية على التوحيد. والله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل من أجل هذا التوحيد. Pour appeler à ce توحيد et pour mettre en garde contre le shirk. من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين أي quand le peuple de Nuh ils ont exagéré et ils ont adoré بعض الصالحين فالله سبحانه وتعالى أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام pour mettre en garde contre هذا الشرك أي adoré les impieux عياذا بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. هذه اللفظة كثيرا ما ذكرت في الأصل فكأنه سنغج في بعض النسخ certains exemplaires il y a ce rajout كثيرا وإلا في الأصل ce lafz كثيرا il est pas cité. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات والصائت بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. من أعظم شبه القوم شيخ الإسلام va répondre à cette شبهة plus tard. قال ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. جميع الأنبياء ont appelé à ce توحيد. قال ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. هذا الاعتقاد أي le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de désirer satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala bi'ibadatin, c'est haqq Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a détaillé ensemble le kitab At-Tawhid. Ma haqq Allah ala al-ibad, qala an ya'buduhu la yushriku bihi shay'a. Donc le fait d'accomplir une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. لماذا؟ لأن هذا التقرب سمن خصائص الله عز وجل. والمشركون هذا التقرب ils l'ont accompli pour une créature. إما un mort, إما une statue, إما un ange, إما un prophète. Et ce تقرب soi-disant pour qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Ils ont prétendu أن cette عبادة pour ce مخلوق c'est pour se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى وهذا c'est من أعظم شبهاتهم. Ça fait partie de leur plus grande شبهة عياذا بالله. Et la plupart de ce livre il traite ce sujet أي cette شبهة عظيمة. لكن هنا on répète أن c'est مجرد مقدمة. C'est une introduction avant de répondre au shubuhat. Al-Mu'allif rahimahullah, il démontre din al-anbiya wa rusul. Et il démontre al-mukhalafat des mushrikin fi hadha al-bab. Thumma, il va citer leur shubah rahimahullah wahidatan wahida et il va répliquer. Qala wa li'i'tiqad mahdhu haqqillah la yasluh minhu shay la li malakin muqarrab ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. Ça nous montre أنه لا يجوز Ibadatu al-makhluq, même s'il a un rang élevé عند Allah, même s'il est mahboub عند Allah. لأن المشركين, parmi les causes qui les ont poussés à adorer autre qu'Allah, c'est cette chose-là. أن هذا المخلوق il est mahboub عند Allah. Allah il l'aime. Allah il a élevé. يقولون أنهم يدمون à cette créature pour que cette créature elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle la shafa'a. Shafa'a shirkiya. لأن Allah عزّ وجل il a besoin de personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala أمر العباد. Il a ordonné au serviteur de lui demander directement, de ne pas passer par un autre. L'Allah, cette demande à un autre, c'est un dua. Et ad-dua huwa al-ibad. Et invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk. Billahi subhanahu wa ta'ala. هذه c'est min a'zam al-asbab. Ay, ya'taqidun anna hadha al-makhluq il est mahboub عند Allah. Donc, on doit lui demander pour qu'il demande à notre place à Allah. Pour نعم qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. لماذا لانهم يقولون ان eux ils ont des faiblesses, ils ont des péchés, il a après mais ce prophète ou cet ange ou ce salih il a un rang élevé عند Allah. هذا c'est grave. C'est grave لان هذا في الحقيقه c'est basé, c'est fondé sur التمثيل. كيف هذا ذكي répond. هذا المعتقد في الحقيقة il est fondé sur التمثيل. تمثيل الله سبحانه وتعالى بالمخلوق. Et on l'a expliqué هذا كثيرا. تفضل. أحسنت أنهم مثلوا الله سبحانه وتعالى في الحقيقة بملوك الدنيا. أي حقيقة ils ont fait ressembler الله سبحانه وتعالى au roi parmi les êtres humains. كيف تفضل. كأن ظنوا أن الله يحتاج إلى وزير أو غير ذلك. نعم ظنوا اعتقدوا أن pour que cette demande elle parvient إلى الله سبحانه وتعالى il faut que واحد parmi ceux que Allah il aime سبحانه وتعالى il fait parvenir cette demande. Et هذا c'est grave في حق الله لأن الله عز وجل سميع بصير il a besoin de personne. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال عز وجل من يجيب المضطر إذا دعاه. Allah il a besoin de personne. Allah il nous a ordonné de l'invoquer, il nous répond. Amma mulouk ad-dunya, مثلاً un roi parmi les êtres humains, un gouverneur, un président. Ahyanan tu veux faire passer ta demande et tu peux pas. Limadha? Li'anna entre toi et ce roi il y a des obstacles. La distance, il te connaît pas. Et le roi ta'lamoun, il ne peut pas rapprocher tout le monde, écouter tout le monde. Là, il a des personnes autour de lui qui s'occupent de cela. Enfin, si tu veux faire parvenir ta demande, tu es contraint dans beaucoup de cas, beaucoup de situations, de passer par une connaissance. Hatta cette connaissance, elle fait parvenir ton besoin au roi. Shafa'a dunyawiyya. Si c'est dans le halal, ben c'est permis. Si c'est dans le haram, c'est pas permis. Fahum fil haqiqa. Ils ont fait la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il répond qu'aux personnes qui ont beaucoup d'ilm? Allah subhanahu wa ta'ala il répond qu'aux messagers? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala il répond aux mu'mins. Même si ce mu'min a des faiblesses, fait parmi ses invocations, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne. En Allah subhanahu wa ta'ala il lui rajoute du ilm, en Allah subhanahu wa ta'ala il le guide. وإلا فسي chacun de nous il fait plus de dua لأنه il a des manquements plus personne fera dua. Et ça c'est très très grave. C'est ça shubhatul qawm qui les a poussés à demander à shafa'a à ces créatures et à tomber في الشرك. قال وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهر. ثم أو المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله démontre encore une fois أن هؤلاء المشركين ils reconnaissaient أن الله c'est le créateur. Parce que ce qui les a ce qui les a empêchés de rentrer dans l'islam et à rester dans leur kufr, c'est hada l'i'tiqad. Enfin, ça nous montre, et on le répète souvent, la croyance en Allah Azza wa Jal, c'est le créateur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est important. Et c'est une obligation, laquelle ça ne suffit pas pour rentrer dans l'islam. Labud min tawhid al-ibadah, adorer Allah seul. قال الشيخ البوزان حفظه الله أي أن مشركي العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ولم تنفعهم هذه العبادة لما كانت مخلوطة بالشرك الأكبر. هذا la parole de الشيخ الإسلام au départ. أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون. كفار قريش نعم يفعلون العبادات que ça soit في المسجد الحرام أو في غيره. Lakin, ces adorations qu'ils faisaient, elles n'étaient pas acceptées. Les mazas, les annahum, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, et kadalik, ils adoraient leurs idoles. C'est ça, shirk. Shirk, ils traduisent par associé. Un associé, maintenant, dans le commerce, c'est wahed, ils s'associent avec un autre. Ils ont, maintenant, 50% des parts. C'est ça, un associé. Fahaboula, iyadam billah, ils ont donné un associé fil ibad. Ils font certaines ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala et certaines ibadat pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le shirk. Et firraha, kanu yukhlisuna lillahi subhanahu wa ta'ala. Ou plutôt, fi arraha, kanu yushrikuna billah, wa fi shidda, kanu yukhlisuna. Quand ils étaient en difficulté, ils adoraient que Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, c'était des mushrikun. Limadha li anna. Al-Mu'min, il est obligé de s'écarter du shirk, toujours. Que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments, les périodes de facilité, d'aisance. C'est ce que je dis, quand on a dit le Nabi, Al-Qa'id, Al-Arba. Il dit, « Il n'y a pas de différence entre qu'il soit un mushrak avec Allah. » Un mushrak avec le Fath Hirra. Celui qui est pris comme associé. Et ta'lamoun anna al-mushrak bih, ça peut être un nabi, un malak, un rasoul, un rajoul salih, qui n'a rien à voir avec haoula. Prends l'exemple de Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, il n'a rien à voir avec le Nassar al-mushrikin, c'est eux qui ont exagéré. Amma huwa, il leur a montré les appels au tawhid, lakin, abou illa al-kufu al-inhira. Enfin, al-mushrak bih, c'est celui qui est pris comme associé. Qala, yakoun al-mushrak bih ma Allah subhanahu wa ta'ala sonaman. أو عبدا صالحا أو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. Il n'y a aucune différence. Et ça, c'est une règle qu'on a vue ensemble في القواعد الأربع. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. أحدا, c'est من ألفاظ العموم. Ça englobe toutes les créatures. On n'a pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. Que ce soit une statue, que ce soit un ange, un prophète. لماذا لأن السبع ماذا سنحق لله. Ça, c'est une autre شبهة. وستأتي إن شاء الله أن البعض يديز لكن من الصوفية والشيعة والقبوريين الخرافيين يديز لكن هم يبخطون أنهم يزادوا با une statue. Il ne faut pas se jouer devant une pierre أو un arbre أو une statue. Là, cette demande, c'est à un homme pieux. C'est la même chose. Est-ce que celui qui adore une statue, il a adoré autre qu'Allah? On est tous d'accord. نعم. Est-ce que celui qui demande à un mort, est-ce que, la première question, est-ce que c'est une adoration? Non. Il y en a ad-du'a ou al-ibada. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a légiféré cette règle. Chaque du'a, c'est une ibada. Enfin, le fait de demander à un mort, c'est une ibada. Est-ce que cette ibada, c'est une ibada pour autre qu'Allah? Non. Ce mort, c'est une créature parmi les créatures. Enfin, l'adoration qui est accomplie pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Enfin, il n'y a aucune différence. Hada ashraka. مع الله سبحانه وتعالى cette statue وهذا أشرك بالله عز وجل ce mort. Et un autre maintenant, il demande à un prophète parmi les prophètes invocation pour ce prophète alors que tous les prophètes ils sont morts alayhim salam illa Isa qui descendra à la fin des temps. Celui qui demande à un nabi ou un rasoul لا شك أنه أشرك بالله عز وجل. Pourtant l'anbiya c'est les meilleurs des êtres humains. Ce passage, il est très très important et on l'avait vu dans Al-Qa'id Al-Arba'. Qala, wa la yakun qasdu ولا أن يكون قصد المشرك أن معبوده ليس شريكا لله في ملكه بل هو مجرد وسيلة إلى الله ومقرب إليه. Deuxième point, أن même si l'intention de ce mushrik, أنه il prétend pas que cet associé, ce salih par exemple, si on prend les pieux, un homme pieux, il prétend pas que cet homme pieux c'est un créateur. Même si il a la croyance en Allah, c'est le créateur seul, et cet être humain, il ne peut rien faire, lakin, il lui demande. Alors il fait un sacrifice pour lui. Tout ça au nom de la shafa'a, ça reste du shirk. Ben, ces deux points, ils sont très très importants. On les répète, man yu'id halak, c'est qu'il les répète, ces deux points qu'on vient de citer, min kalam shirvouza. Faddal, le premier. La fark bayna il n'y a aucune différence entre le mushrak bi. Pas min hayth est-ce qu'ils sont meilleurs. Maintenant, la shak, an al-anbiya, ils sont meilleurs que salihoun. Les salihoun, ils sont meilleurs que les pierres. Il a akhiré ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun fark min hayth al-hukm. Maintenant, c'est du shirk et c'est du shirk. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ghayruk, hein, fadda. Ou plutôt, ولو لم يقول plutôt, ce makhluk c'est pas un créateur. Même s'il prétend que ce makhluk c'est pas un créateur, lakin huwa ce qu'il veut c'est faqat al-shafa'a, ça reste du shirk. On répète kalam Cheikh Bouzan. Wala an yakun qasd al-mushrik anna ma'budahu laysa sharika lillah fi mulkih. Même si yaqul ana je sais ana cette créature, ce n'est pas un associé d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis le mulk. Ce n'est pas un créateur. Allah, il possède tout. Même s'il a cette croyance, ça ne suffit pas s'il fait du shirk. Billahi azza wa jalla. Qala Cheikh Bouzen, fadalla dhalik ala amri. Deux points. Al-awwal anna al-iqrar bi tawhid al-rububiyya wahdahu la yakfi lid-dukhul fi l'islam. Wa la ya'assim ad-dam wal-mal wa la yunajji min adabillah. Premier point qu'on retire de tout cela. Depuis le début du livre 1, on a le fait de croire en Allah, Azza wa Jal, c'est Rabb, Subhanah. C'est lui le créateur, c'est lui le Muhyi, c'est lui le Mumit. C'est obligatoire et c'est Muhim, ça fait partie de l'Iman. Lakin, ça ne suffit pas pour rentrer dans l'Islam. Falihada, qala Cheikh al-Bouzan, la ya'simu dam wal-mal. Amma, pour que hada al-insan rentre dans l'Islam et ça devient un mu'min et son dam, il devient haram, wa irduhu haram ila akhirih, la bud min tawhid al-uluhiyya. Comme qala sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatil al-nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah. La bud min shahadati tawhid. Ça c'est le premier point, donc tawhid al-rububiyya, ça suffit pas. Deuxième point, l'amru thani, أن عبادة الله إذا دخلها شيء من الشرك أفسدها فلا تصلح العبادة إلا مع الإخلاص. Deuxième point, أن même si ce mushrik fait des ibadat, même s'il a un bon comportement, même s'il aide les pauvres, même s'il aide les orphelins, même s'il fait salat, même s'il fait siyam, même s'il fait le hajj, بل même s'il prononce shahada, même s'il dit أشهد أن لا إله إلا الله, lakin il fait du shirk billah azza wa jalla. Il se prosterne devant une tombe, il sacrifie pour un mort, il demande à un salih qui est mort. Tout ça, ça fait sortir de l'islam. Et toutes ces œuvres de ce mushrik, elles sont annulées. Comme qala subhanahu wa ta'ala, wa la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk, et beaucoup d'autres adillah qu'on a vu fi kitab al-tawhid et dans les autres livres qu'on a étudiés ensemble. Enfin, ces deux points, ils sont très très importants. لابد من إخلاص. أما أدعي الله سبحانه وتعالى كذلك سافي با. لابد أدعي الله سبحانه وتعالى. Et s'écarter du shirk. C'est ça notre din. أما البعض, vu qu'ils n'ont pas étudié ce tawhid, vu qu'ils n'ont pas compris ce tawhid, vous avez remarqué, non, ils sont axés que sur le bon comportement. Il a un bon comportement, il fait pas de mal aux gens, c'est que il est bien, il est un mu'min, il a akhri. Même s'il fait du shirk, même s'il contredit son islam tous les jours. فَلِهَذَا الْبَعْضِ ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi الْعُلَمَا يُكَفِّرُونَ الْرَافِضَ par exemple. Ils ne comprennent pas. لماذا؟ لأنهم ils ont pas compris le tawhid. Ils auraient compris le tawhid, ils auraient su أن الروافض الشيعة لأن الشيعة qui sont répandus aujourd'hui c'est des روافض. C'est des mouchrikoun. Ils adorent أهل البيت. Ils adorent les morts. Et dans leur pays, en Iran, الشرك منتشر. هؤلاء لا شك لأنهم ils ont contredit leur islam. فلهذا العلماء très simplement si tu leur demandes ils vont te dire هؤلاء c'est des كفرة. Avec beaucoup d'autres nawaqid, min nawaqid al-islam, al-ta'an fi al-sahaba ila akhiri, bel al-ta'an fi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bel al-ta'an fi Allah azza wa jal, comme on a démontré dans plusieurs douloureuses. Enfin, celui qui a compris ça, il comprendra le sujet. Mathalan, un rafidhi, même s'il fait le hajj, tu les vois au hajj, même s'il fait le salat, même s'il aide certains pauvres ila akhiri, même s'il fait apparaître un bon comportement, c'est un mushrik indallahi subhanahu wa ta'ala. لابد من عبادة الله وحده. On n'a pas le droit d'adorer Ali رضي الله عنه ولا فاطمة رضي الله عنها ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد إلا الله. C'est ça الدين الرسول. Si on a compris ce point, même si on a des manquements dans le comportement, même si on a des manquements dans certaines عبادات, même si on fait certains péchés, لا شك أن celui qui a cette عقيدة ça reste un مؤمن. Bien sûr sans se laisser aller. لا. لكن هذا التوحيد c'est la cause pour que l'instant il soit sauvé. C'est pas le bon comportement. بعض الكفار ils ont un bon comportement. لماذا؟ لأنه il y a une مصلحة. بعض المجرمين أحيانا ils font du خير. C'est pas ça. C'est pas ça le ميزان. Le ميزان c'est التوحيد. Celui qui حقق التوحيد il sera من النادي. Celui qui fait du شرك أكبر ويموت ولم يتب il fera partie de الخاسرين عيادا بالله. كما قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Ça c'est le shirk. Allah il a interdit le paradis pour le mushrik. أما pour العاصي si c'est un موحد Allah il lui a pas interdit le paradis. كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما les péchés Allah سبحانه وتعالى s'il veut les pardonne à qui il veut. أما الشرك الأكبر فلا. Allons-y fort, on doit les axer, les centrer sur Hadal Bab al-Azim et le reste ça suit ce fondement. Ama wahed il n'a pas ce fondement et il veut construire, il construit une maison, une demeure, il prépare une demeure qui n'a pas de fondation. Cette demeure s'écroulera yom al-qiyam. Hagada celui qui œuvre et il n'a pas ce tawhid, et du shirk, ayyadam billah. Ka'annahu il construit une maison et elle n'a aucun fondement. Il va construire un jour, deux jours, un an, six mois, أكثر, un jour tout s'effondrera. هكذا المشرك. ثم قال رحمه الله المؤلف شيخ الإسلام فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ce passage il est important. Al-Mu'allif rahimahullah il cite les preuves min al-Qur'an al-Karim sur tout ce qu'il a cité auparavant. أن المشركين à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont jamais prétendu que leur statut c'était des créateurs. Ils n'ont jamais prétendu que eux-mêmes c'était des créateurs. Là, ils reconnaissaient Allah Azza wa Jal, c'était lui le créateur. C'était lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissaient tout cela. Malgré cela, قال Azza wa Jal, فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Et avec cette croyance, وَلَا تَتَّقُونَ اللَّهِ. التَّقْوَى est fondée sur le tawhid. أَفَلَا تَتَّقُونَ أي malgré votre reconnaissance أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui vous donne الرزق من السماء والأرض. أن الله سبحانه وتعالى c'est lui يملك السمع والأبصار. C'est lui qui vous a donné la vue, lui, c'est lui qui vous donne à manger, à boire, c'est lui qui vous a créé, il a agréé. C'est lui qui vous fera mourir, c'est lui qui vous a fait vivre. Tout cela, vous le reconnaissez. فالله سبحانه وتعالى قال فقل أي يا محمد دي له après tout cela après cette croyance أفلا تتقون Malgré cela, et vous ne craignez pas Allah, ça nous montre que cette croyance, elle n'aurait d'aucune utilité. Pour qu'elle soit utile, la bud min tawhid. Le tawhid, c'est asas ou taqwa. Taqwa sans tawhid, ce n'est pas de la taqwa. Abadan. كذلك نستفيد من هذا من هذا الكلام قوله فإذا أردت الدليل أن المسائل لا بد لها من دليل ارتباط المسألة بالدليل شيخ الإسلام إلى cité certaines choses il a montré que les mushrikoun ils reconnaissaient tawhid rububiyya et c'est d'aucune utilité ثم il a cité le dalil ça nous montre qu'on doit rechercher le dalil. Quand le alim il parle min babi awla un autre, il faut un dalil. Et ça nous montre que si le dalil n'est pas cité, c'est à nous de le chercher. Falihada qala al-shaykh fa idha aradta, si tu veux un dalil, et que tu l'as demandé ou pas, il le cite. Ça nous montre l'importance à donner au adilla khassatan fi hadhihi al-abwab. Pourquoi kathirun min an-nas se sont égarés fi hadha al-bab? لماذا؟ لأنهم ont délaissé الدليل. الدليل c'est la preuve من القرآن أو من السنة أو الإجماع. C'est ça le dalil dans notre din, في l'islam. C'est ça une preuve. La preuve c'est إما verset du Coran, إما hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, bien sûr un hadith صحيح ثابت, إما إجماع, إما l'unanimité de la Ummah. أما le grand nombre, la majorité, ou Fulan il a dit, ou tel shir il a dit, ou dans tel pays ils ont fait, ou un rêve, tout ça c'est d'aucune utilité, c'est pas des arguments. Ou la raison, et bien la raison, tout le monde a une raison. Ça veut pas dire que ceux qui sont moins nombreux ils ont tort, ou tel pays, ça veut pas dire que dans tel pays ils font, c'est haq là. الحق سيسك البروفيت صلى الله عليه وسلم نوزع منطقه فمثلا كثيرا ممن وقع في الشرك السباد عيدا بالله سوغ لغالي كم من الظلال dans leur livre ils racontent des choses عيدا بالله ils vont adorer Allah سبحانه وتعالى par rapport à ça non ils ont vu dans tel rêve il faut faire telle chose et le lendemain ils appellent à cette chose et ils l'appliquent كأنه الوحي نزل. Alors que c'est minash shaitan. Et shaitan, il a égaré kathiran minannas, khasatan minas soufiya wa rawatib, avec les rêves. Amma nahnu, les rêves, c'est pas un délit. Abadan. Si c'est un rêve qui montre du khayr, alhamdulillah, ça peut être une bouchra. Si c'est un rêve où il y a du shor, un cauchemar, on le raconte pas. Aslan, on fait pas attention. C'est minash shaitan. Mais on avance. وما أراد الله سبحانه وتعالى كان ويكون أما se fonder sur des rêves عيادا بالله. ça nous montre l'importance du délit. قال الشيخ وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. La même chose, انظروا أنهم ils ont accepté أن الله سبحانه وتعالى يبسط tout قل لمن الأرض ومن فيها أي à qui elle appartient cette terre et tous ceux qui sont sur cette terre. إن كنتم تعلمون, qu'est-ce qu'ils ont répondu هؤلاء المشركون؟ سيقولون لله, ils diront الله أي المشركون. Ils n'ont pas dit c'est leur idole. أبدا. الله سبحانه وتعالى قال قل أفلا تذكرون. Malgré ça vous réfléchissez pas, malgré cela vous continuez à faire du shirk. C'est ça le shahid min hadhihi al-ayat. قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. Ça montre que هؤلاء المشركين ils avaient l'aqida ان العرش c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et ان الله سبحانه وتعالى il a un arsh, un tron. Ils reconnaissaient هذا. Malgré cela, ça ne fait pas des croyants. Abadan. فلهذا قال عز وجل قل افلا تتقون. Et malgré cette croyance, vous craignez pas Allah subhanahu wa ta'ala, et vous l'adorez pas seul. قال الشيخ البوزاني يقول الشيخ رحمه الله اذا طلبت الدليل على ان المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبيه وانهم يشركون بتوحيد الالوهيه اذا اردت الدليل على هذه المساله العظيمه التي يعرف بها الحق من الباطل فاقرا قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لله فقل أفلا تتقون فالمشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا من سي سعريف كمشرك يفعل الشرك في الربوبية à notre époque ou avant notre époque, c'est déjà arrivé. Lakin, la plupart d'entre eux, surtout à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kanu ya'tarifuna bi hadha et on a les preuves. Ala kulli hal, ça ne suffit pas pour rentrer dans l'islam. Ay, tawhid al-rububiyya. Et il l'a expliqué huna. Tawhid al-rububiyya, c'est quoi? C'est la croyance en Allah, c'est le khaliq, al-raziq, al-mutasarrif fi ibadah. Al-Khaliq, c'est le créateur. Al-Raziq, c'est celui qui donne. Al-Mutasarrif fi ibad. Et c'est lui qui guide, c'est lui qui égare qui veut, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui rend malade un tel, c'est lui qui guérit un tel. Tout ça, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut, Azza wa Jal. Et tous ces actes, subhanahu wa ta'ala, ils sont fondés sur l'hikmah. L'annahu, c'est l'hakim. Qala, الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض هذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتلبسون وتركبون من الذي جاء به هل جاءت به الأصنام toutes ces نعم dont le mouchrik il profite le mouchrik il boit il mange il dort il se repose il a la bonne santé certains ils sont malades ils guérissent toutes ces نعم est-ce que c'est leur statut أو لمر أو تلبيو صالح من الصالحين كل لغدن هذا أبداً سي الله سبحانه وتعالى فمالغري سلا au lieu de remercier d'être reconnaissant et d'adorer Allah سبحانه وتعالى لا يشركون بالله c'est pour ça que le shirk c'est très très grand c'est pour ça que c'est du dhulm c'est une injustice لأن الله عز وجل لغدن ليل نهار et ils adorent un autre إن الشرك لظلم عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith il a comparé الشرك avec un مثال طيب أن واحد إلى خادم مثلا un homme إلى un employé de nos jours مثلا واحد qui travaille pour lui أنت tu le payes et هو il va y travailler pour un autre هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بحال المشركين أنت tu vas le payer par mois مثلا telle somme Au lieu de venir et travailler, vu que tu le payes, il va travailler chez un autre. Est-ce que Wahid va accepter hada? Non, c'est du zoum. Il est payé, il doit travailler. Quel est le mouchrik? Allah il l'a créé. Il lui donne, au lieu d'être reconnaissant, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir, il adore un autre. Ayyadam billah. Malgré que ce mouchrik, il est conseillé. Le prophète, il leur a montré. Qulu la ilaha illallah. Ils ont refusé comme ça y est. قال الأصنام جمادات وحجارة أم الأشجار أو الأموات أو القبور والأضرحة كلها لا تأتي بأرزاقكم فهم يعترفون بأن أصنامهم لا تخلق ولا ترزق نعم ils ont reconnu هذا أن leurs idoles elles ne peuvent rien créer elles ne peuvent rien donner لكن ils ont cette شبهة عيادا بالله أن ils demandent à cette créature pour que cette créature elle demande Allah à Allah. Et ce qu'on appelle al-shafa'a et al-mu'allif il a répondu à cette shubha dans ce livre. قال تعالى أمن يملك السمع والأبصار السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات الحاسة c'est le singulier de al-hawas les sens qu'on appelle les cinq sens l'ouïe, la vue, l'odorat il a après فالسمع حاسة عظيمة c'est un sens que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné aux êtres humains et c'est une ni'ma azim le fait d'écouter, d'entendre allati tasma biha al-aswat et les gens ils ont été privés de cette ni'ma ils sont sourds anta tu as cette ni'ma fashkurillah subhanahu wa ta'ala ma baluk wahad il n'entend pas ce qui est autour de lui il ne peut pas entendre le Coran il ne peut pas entendre le kalam de ses enfants ou de ses parents, de ses proches C'est une épreuve. قال والبصر الذي تبصر به المرئيات la vue هذه العين التي يجعل الله فيها هذا البصر وهذا النور من الذي خلقه فيك Qui c'est qui a donné ces deux ni'am? Si on parle que ces deux ni'am, toutes nos ibadat, ça ne sera pas utile pour être reconnaissant. Lui et la vue. Le fait d'entendre et le fait de voir. Qui c'est qui nous a donné ça? Est-ce que c'est une créature? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ben c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala parle « Amma yamliku sam'a wal absar » Et afin que les gens ils méditent, qui c'est qui t'a donné la vue et l'ouïe? Normalement, ça suffit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, si tu rajoutes le rizqu wal hidayah, la bonne santé ila akhir. Qala, hal khalaqahu ahadun ghayrullah, fa hal ra'aytum ahadan min al-khalq awjada fi ahadina as-sam' idha suliba minhu hal yastati ahadun an yarudda lil a'mal basar alladhi dhahaba anhu abada. Wahid quand il perd la vue, khalas. Ou quand il perd l'ouïe, khalas. Même les docteurs, même les médecins, même la médecine, hein, ils ont beaucoup avancé, ils ne peuvent pas rendre l'ouïe ou la vue à quelqu'un qui les a perdus. Ou mazalan, tu dis à Haoula, Nahum, il donne l'ouïe à une pierre, ou au mur. Hein. Ce mur, il voit et il entend. Que quelqu'un essaye s'il pourra. قال واجتمع أهل الأرض كلهم على أن يجعلوا في عينه بصرا ما استطاعوا لا الأصنام ولا الأطباء ولا الحذاق من العلماء. أحيانا صعيب أن واحد يبيغ صنعي à cause d'un accident ou autre il perd l'œil. Est-ce que la médecine ils peuvent lui remettre un œil et il voit? Attends, il a perdu l'œil, خلاص. Ils lui mettent un œil en plastique ou en verre حتى فالصورة لا تشوه وإلا خلاص il voit plus. أما il fabrique un œil et peut voir avec cet œil. قال فالمشركون معترفون بأن أصنامهم لا تعمل أي شيء من ذلك. قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. غير واضح. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. أي si الله سبحانه وتعالى يغتير la vue et l'ouïe à quelqu'un, وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُمْ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. Qui c'est qui va te rendre cette chose? Abadan. Ça nous montre qu'on doit adorer le Créateur seul. Mais pourquoi adorer un daïf? Pourquoi adorer une créature qui ne peut rien te donner? Là, tout ça c'est une shirk. قال لا يوجد أحد يجيب عن هذا السؤال ولا أحد يستطيع غير الله أن يأتي بالسمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذا من العجائب يخرج الحي من الميت يخرج الزرع من الحبة. صحيح أن الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. الزرع من الحبة. Tu trouves la terre elle est sèche. ثم cette terre الله سبحانه وتعالى il fait descendre la pluie et cette terre walillahi alhamd elle devient verte avec des fleurs, avec des fruits, avec des légumes. Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'être humain il est capable? Abadan. Qala wa yukhrij al-mu'min min al-kafir. Lian al-mu'min il est hayy, al-kafir il est mayyit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ahyanan tu trouves le père c'est un kafir. Bal sa min a'da'illah. Tu trouves la mère kadhalik une kafira qui déteste din al-islam, leur enfant ça devient un musulman. Il choisit l'islam. Ses parents ils peuvent rien faire. Est-ce qu'ils vont lui retirer hadha al-islam min al-qalb? Abadan. C'est Allah qui fait ce qu'il veut azza wa jalla. Qala wa yukhrij al-mayyit min al-hayy, yukhrij al-kafir min al-mu'min. Wa ahyanan al-aks. Ahyanan le père et la mère ou la mère c'est des mu'minun et l'enfant c'est un kafir. Billahi azza wa jalla. Et tu as l'exemple fi al-anbiya wa ar-rusul. Nuh alayhi salatu wassalam, son fils c'est un kafir. Il a été noyé avec al-mujrimi. Et Ibrahim, son père, c'est un kafir. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il lui a fait ta'wa, il a refusé. Ça arrive kathira, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. قال يخرج الكافر من المؤمن ويخرج البيض من الطائر الذي يقدر على هذا هو الله سبحانه وتعالى. Et là, cet exemple كذلك. أن الله سبحانه وتعالى il fait sortir l'œuf من الطائر, des oiseaux. Les oiseaux, ils pondent des œufs. ثم de cet œuf يخرج un oiseau. Tout ça, c'est من الله سبحانه وتعالى. Est-ce que واحد من المخلوقات, qui qu'il soit, il peut créer cet œuf? قال ومن يدبر الأمر. هذا عموم يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل والملك يعطي ذلك من يشاء ويأخذه ممن يشاء. كل ما يجري في هذا الكون من تقلبات وتغيرات، من الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات؟ Tout ça, c'est min af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yudabbiru l'amr. Ça, c'est min al-fad al-umum, man. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout. Ça, ça nous montre qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Vu qu'on a cette aqida, annahu il gère tout. Enfin, pourquoi demander à un mort qui ne gère rien? Il ne peut même pas être utile pour lui-même. Maintenant, celui qui a un problème de santé, ou son enfant a un problème de santé, il va aller demander à Sidi Foulain. Si on a cette aqida, qu'est-ce qu'ils ont répondu les mouchrikoun? Ils diront Allah. Pourquoi demander à une idole? Ils vont dire lakin il est aimé d'Allah, c'est une shubha batila. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de demander qu'à lui. On demande qu'à lui. Lakin iyadun billah, quand les cœurs ils deviennent malades, wal insan il s'écarte de hada tawhid, il s'écarte du ilm. خاصةً si fréquent de هؤلاء المشركين, ça devient très très compliqué. Cette chouba, elle devient مثل الجبل على قلبي. C'est comme s'il avait une montagne sur le cœur, un autre ne peut plus comprendre. قال فسيقولون الله فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أفلا تتقون. Malgré cette croyance, أن الله c'est lui qui vous a donné l'ouïe, la vie, c'est lui qui vous donne le rizq, c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui gère tout, malgré toutes ces croyances qui sont haq, tawhid al-rububiyya, fa'ha'oula, ils adorent des stages. Falihada qala, ou des tombes à notre époque. Falihada qala azza wa jal, fa'qul, afala tattaqoun. Qala Cheikh al-Fawzan, madama annakum mu'tarifoun anna hadhihi al-umur biyadillah, wa anna asnamakum la taf'al shay'an minha, afala tattaqoun Allah azza wa jal, wa tuwahidu. قال وتوحدونه وتفردونه بالعبادة. أي malgré votre croyance, cette croyance elle vous sera d'aucune utilité sauf si vous adorez Allah سبحانه وتعالى seul. قال لأنكم إن لم تتقوا فإن الله يعذبكم لأنه أقام عليكم الحجة وقطع منكم المعذرة فلم يبق إلا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به. Et celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala seul, cette aqidah lui sera d'aucune utilité. Il croit que Allah c'est le créateur. À cause de l'ignorance, il pense que celui qui sait que Allah il existe, c'est un mu'min. Ayyadun billah. Iblis, il a désobéi au créateur azza wa jalla. Il savait qu'il y avait un créateur, il lui a désobéi. Est-ce que ça fait de lui un mu'min lian où il sait qu'il y a un créateur? C'est min al-jahl. Ilmun, avec cette aqida d'Allah, il possède tout, c'est le créateur et c'est le mustahiq l'ibada. Et quand il y a des œuvres, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le mu'min. Al-iman, i'tiqadun bil-qalb, qulun bil-lisan, wa amalun bil-jawarih. Amma mujarrad ma'rifa, ça c'est qu'au l-jahmiya, comme taqaddam ma'ana. Al-jahmiya pour l'iman, c'est واحد يكون الله ممسي عيادا بالله إلا انسلت ممسي إلا دتست ممسي لا دقبا تنكي ركوني كان خاطر سان مؤمن سان عقيدة عيادا بالله تخي تخي غا وعدهم إذن العقيدة أن سلوي كي ركوني الله تنكي خاطر إلى آخره كالمشركين سيدا كون اتلتي لابد الإيمان بالله من عقيدة أن الله سلو خاطر اي بسد دي نوي دي زاتريبي بارفير اي Il mérite l'adoration et on l'adore. C'est ça l'iman billah. Qala fadhalikumullahu rabbukum fadhalikumullahu rabbukumul haqq famadha ba'da al-haqq illa ad-dhalal fa anna tusrafun tabayyana lakum anna al-ibadata haqqun lillahi ta'ala fala ma'bud bihaqq illa Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam ta'buduhu fa inna hadha dhalal. Na'am famadha ba'da al-haqq illa ad-dhalal. إما الإنسان سيموحد إما عياذ بالله سيمشرك لأن التوحيد الشرك سيصنبل أبدا. أما المعاصي نعم تفو أبو غم موحد إلا دي فبلس يفا دي بشي هذا سعيس كمسلم كويان مالغري سي فبلس Et tu peux avoir un mouchrik, ayyadan billah, qui fait du bien, qui aide les autres, l'akhira, ça lui est d'aucune utilité. Limada li anna al-khir, ça ne peut pas se rassembler avec shirk. Et shirk, ça ne peut pas se rassembler avec le tawhid abadan. Qala fa illam ta'budu fa innaha dhalal fa madha ba'da al-haq alladhi huwa at-tawhid wa ifradullah bil-ibada illa dhalal alladhi huwa ash-shirk. Ça c'est une faïda azima, an ash-shirk ça ne peut pas se rassembler avec at-tawhid. الشرك الأكبر هذا ماذا تستفيد منه أن الإنسان سيسا موحد فخصمو يدي لسخ الشرك لا بد pour devenir un موحد il faut délaisser الشرك لا بد عيادا بالله celui qui tombe في الشرك الأكبر فلا بد qu'il a plus de توحيد لأن le cœur il peut pas accepter les deux لا قال فليحذر المسلم من هذا وليقبل الحق إذا تبين له خصوصا في أمر التوحيد والعقيدة يقبل الحق إذا تبين له ويخاف أن يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك نصيحة طيبة surtout في هذا الباب العظيم فليحذر المسلم on doit faire attention là celui qui est conseillé في هذا الباب في التوحيد في العقيدة si c'est fondé sur le حق il doit accepter انظروا حال المشركين أفضل داعي وأعلم داعي le meilleur des êtres humains il leur a fait da'wah pour leur bien قولوا لا إله إلا الله تفلحوا il voulait leur bien تفلحوا ça vient de le falah la réussite enfin il voulait leur réussite et il leur a montré malgré هذا ils se sont détournés انظر الآن l'état où qu'ils sont que ce soit les mouchrikouns de l'époque ou d'aujourd'hui عيادًا بالله ceux qui ne font pas de taouba ils sont fait une hiraf fait de dunya Et après leur mort, ils sont fi adab. Dans la tombe, et yom al-qiyama, et yadam billah, quand ils seront fin nar, ils sortiront jamais. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Alors, on doit faire attention, et on n'est pas à l'abri. Accepte le haq. Pas parce que c'est un tel ou là, parce que c'est le haq. Même si ce haq, rubama, il était exposé d'une façon, fi hachay min al-soul adab, avec un mauvais comportement, tant que c'est haq, accepte. C'est pourtant bien. Mais le mauvais comportement, ça se retourne contre celui qui a un mauvais comportement. Amma délaissé le haq, ah, c'est très très grave. Qala wa qawluhu ta'ala, qul liman al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbu as-samawati as-sab'i wa rabbu al-arshi al-azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون comme les versets précédents Allah subhanahu wa ta'ala il cite des choses que le mushrikoun ils acceptent ثم à la fin il leur montre ou il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt de leur dire أفلا تتقون أفلا تتذكرون إلى آخر كما تقدم معنا أو أفلا تذكرون plutôt هنا قال قل فأنا تسحرون ça vient du mot sihr la sorcellerie لكن c'est quoi le lien hein, entre la sorcellerie et le fait qu'ils n'ont pas accepté قال ابن كثير رحمه الله on a rapporté on a plutôt on va citer ensemble la parole d'Ibn Kathir dans son tafsir pour éclaircir هذا قال رحمه الله قل فأنا تسحرون أي كيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك أي كأن عقولهم مسحورة c'est comme s'ils étaient touchés par la sorcellerie c'est comme s'ils avaient été ensorcelés تعلمون أن المسحورة أحيانا يفعل des choses qui ne sont pas معقولة لأن السحر lui fait tellement de mal أنه il agit comme quelqu'un qui n'a plus la raison un مسحورة مجنون فالله سبحانه وتعالى après avoir cité tout cela أنه celui qui a créé les cieux la terre إلى آخره et هم ils acceptent هذا قال عز وجل قل فأنا تسحرون أي est-ce que vous avez perdu la raison قال الشيخ سعدي رحمه الله فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة أي le fait de reconnaître tout ça malgré cela vous adorez autre qu'Allah C'est qui les a appelés à Hada C'est leur passion, leur raison, il a appelé. Le Cheikh Saadi qala, ils ont des uqul mas'hura, c'est comme s'ils étaient ensorcelés. Thumma qala wa hiya bila shak qad sahharaha ash-shaytan bima zayyana lahum. Ay ce shaytan sahhara li ha'ula. Comme si le shaitan il a ensorcelé ha'oula, ils l'ont suivi et ils ont délaissé ibadatullah. Fahada qawluhu azza wa jal, qul fa anna tusharoun. Et celui qui veut recopier هذا الكلام المفيد, تفسير الإمام ابن كثير عند هذه الآيات, et كذلك تفسير الشيخ سعدي, et كذلك الإمام البغوي رحمة الله عليه il a cité مثل هذا الكلام, et جميع المفسرين cette معنى. قال هذه آيات من سورة المؤمنين, مثل الآيات التي في سورة يونس التي ساقها المصنف رحمه الله, ومثل غيرها من الآيات التي تقرر أن المشركين يعترفون لله بربوبيته ولكنهم يعارضون في توحيد الألوهية. Tous ces versets pour démontrer أن المشركين, même si ils acceptent, même s'ils croient أن الله c'est le créateur, أن الله c'est lui qui guide, c'est lui qui égare, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne le risque, et عيادا بالله يشركون في العبادة فسدوا كل مفتلتة. لماذا؟ لأن celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, toutes ses œuvres elles sont annulées. Et sa aqida, même s'il a cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle lui est d'aucune utilité. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قال ما دامت الأرض ومن فيها لله فكيف تعبدون الأصنام التي لا تملك شيئا وتعبدون القبور الميتة التي لا حياة في أصحابها. تأمل أنهم يغوكنس أن الأرض ومن فيها سلالة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. لماذا أدغي هذا البشر كيف تحت هذه الأرض؟ Pourquoi l'adorer? Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède tout, pourquoi pas adorer le créateur? لماذا؟ عيادا بالله. Ils sont égarés à cause de شبه بالحقيقة qui sont basés sur rien. لكن l'orgueil, le fait de ne pas accepter le nasiha, l'ignorance, fréquenter les mauvaises personnes, cette شبه qui est fondée sur rien, كما قلنا devient comme un jibal, comme une montagne. فالإنسان يحذر من الشبهات. قال أفلا تذكرون أن الذي يملك الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة دون هذه الأصنام التي تعبدونها. أي est-ce que vous vous rappelez pas malgré cette croyance et vous adorez autre qu'Allah, celui qui a un minimum de عقل. فلهذا même certains كفار ربما si tu leur montres les agissements de As-Soufiyya ou Al-Rawafid, yastankirouna. Non, sayankirouna plutôt. Wallahi, si tu montres les agissements de Wa'ad al-Rawafid et Wa'ad al-Soufiyya, qu'est-ce qu'ils font? Ind al-Qubur, tu peux trouver un mulhid, najis, mujrim, et il va, lui-même, il va te dire que ha'oula, ils ont perdu la raison. Et ma'ad al-Aql, il rejette ces choses. Kaif insan, il adore un mort. C'est pour ça que tu trouves Wa'ad al-Malahida, ils n'adorent pas le mort. Ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des kafara, mais ils n'adorent pas les morts. Ayyadam billah. Tu trouves le mushrik et il adore les morts. لماذا؟ لأن المشرك il n'a pas de dîn et كذلك il n'a pas de عقل. قال وهذا إقامة للحج عليهم بما يعترفون به على ما جحدوه فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. عياذا بالله. هذا هو الخلاصة. Ils acceptent توحيد الربوبية أن الله c'est le créateur. لكن quand il faut unifier Allah سبحانه وتعالى, adorer Allah سبحانه وتعالى seul, ils acceptent pas. C'est pour ça qu'ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Et ça sera les prochains durous, inshallah ta'ala. Limada, لأن هؤلاء, malgré que c'était des mouchrikoun, ils connaissaient la langue arabe. C'était leur langue maternelle. C'est la langue qu'ils parlaient chez eux dans la rue. Donc quand le prophète sallam, il leur a dit « Qulu la ilaha illallah », ils ont compris. La ilaha, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ilaha. Et tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est batel. Ils ont refusé. Alors, ils ont voulu continuer à adorer leurs idoles et adorer Allah. Elle m'a délaissé leurs idoles là. Allez, là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a convaincus. Le prochain cours, inshallah, on continuera la lecture de ces premiers points qui sont très très importants. Naktafi bihada et on passe à notre deuxième cours. Alhamdulillah. Le cours précédent, on n'avait pas cité certaines sources qu'on peut citer l'un dans Kashf Shubuhat avant de passer au deuxième dars. أي قوله رحمه الله وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. Comme Cheikh Al-Fawzan, il a démontré ces idoles qui étaient présentes à l'époque de Nuh, Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq, Nasra. كذلك العرب كفار قريش il les adorait. والدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أي les idoles qui étaient adorées à l'époque de Nuh après elles ont été adorées par العرب أي الكفار في الجاهلية ثم البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى ولله الحمد combattu هؤلاء et ils ont détruit ces idoles. كذلك on n'avait pas cité قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو ابن لحي تذكرون أن شيخ الفوزان حفظه الله il a cité dans le شرح أن عمرو ابن لحي الخزاعي c'est lui qui a propagé ses idoles في الجزيرة العربية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب أي النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله إلا في النار يجر قصبه عياذا بالله. هذا إلى الخشان ترس continuera هذا الكتاب المهم فغيبزي هذه الأبواب. Vous avez remarqué que les premiers chapitres c'est le résumé de القواعد الأربع. Celui qui a étudié le Qa'il Arba, ça sera très simple pour lui. Et celui qui n'a pas étudié le Qa'il Arba, on le conseille de lire Al-Risala avec un sharh ou d'écouter des audios. Hatta, ce kalam, ces fondements muhims, ils soient maîtrisés avant de commencer la lecture des shubah et la réfutation. Hayyakumullah.